accusant, tu commençais ton départ. Heureuse, tu embarques avec de nouveaux protecteurs. M'abandonnant dans le sombre intempérie. Nue, sur cette plage, sans ton étreinte. Notre lit nuptial est une couche sans giron, sans climax, sans les vaines illusions que tes pères boucaniers promettaient. Dans l'ombre et les lamentations, je me plonge. Nous savions que l'amour contredisait les normes de morale qui nous liaient. Et pourtant nous les gardions toujours. Quand nous voulions les briser, nous reculions. Accomplissons nos devoirs envers la vie, plaisantais-je en citant Schopenhauer. Mais tu ne l'as jamais lu, et dans mon dos tu m'as accusé de luxure importune. Aujourd'hui dans la rivière le poisson nage serein, sans bijoux ni robe qui l'orne, Ezra Pound l'a chanté si loué. Accusé lui aussi de mauvaises intentions. Avec toi, je désirais fuir cette existence, aussi fragile que le désir de l'amant, qui rêve d'un nouveau corps, un écho, qui lui rend l'extase perdue. Thank you. Les plaisirs se déforment en eux-mêmes jeunes. Nous célébrions une frénésie que les moyens exigeaient sans limite. Mais l'ennui empoisonne les lèvres. Ainsi je préserve mon corps devant le miroir, perfection de tendons, de veines, de nerfs, que le sel de mes larmes lacère, un monument que tu ne vénères plus.